Le coup de téléphone. Прослушайте текст и скажите, почему Клодина считает своего брата невыносимым. Allô Brigitte, c'est Claudine. Ça va? Ça va. Non, je ne sors plus avec Luc. Il est énervant, tu sais. Il ne veut jamais faire ce que je veux faire. Chaque fois que je veux aller voir un film d'amour, lui, il veut voir un western. Attends, ne quitte pas. Oui, maman, dans 2 minutes. Allô? C'est maman qui veut téléphoner au coiffeur. Elle a un rendez-vous. Dis donc, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu vas au cinéma avec Martine? Qu'est-ce que vous allez voir? Un western italien? Je ne peux vraiment pas imaginer des Indiens qui parlent italien. Merci. Tu es gentil, mais je vais rester à la maison. Je suis fatigué et puis je n'aime pas les westerns de toute façon. Martine les aime? Martine, tu sais, elle est gentille, mais elle est plutôt bête. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Papa est en train de faire quelque chose dans le salon et je n'entends rien. Il est tout le temps en train de faire quelque chose à la maison et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui marche. Attends, ne quitte pas. Écoute, Étienne, tu peux attendre 1 minute, non? Allô, Brigitte? C'est Étienne qui veut téléphoner à un ami parce qu'il n'arrive pas à faire son problème de maths. Moi? Ah ça, non. Je n'arrive même pas à faire une multiplication. Mais non, je suis gentille avec lui. Mais tu n'as pas de petit frère, toi. Tu ne sais pas ce que c'est. Il faut l'amener au cinéma, répondre à ses questions, faire ses devoirs. Il écoute mes disques et puis il les casse. C'est pénible, tu sais. Attends, ne quitte pas. Oui, papa, tout de suite. Allô, Brigitte? Papa a un coup de téléphone important à donner. La télé ne marche pas très bien et il veut téléphoner au réparateur. Alors à lundi. Passe le bonjour à Martine. Au revoir.